Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon, patreon.com/papacassette. Bonjour à tous, bienvenue chez Papa Cassette, épisode 131. J'espère que tout le monde va bien en ce mercredi 14 février. Oui, février. Saint-Valentin, rien de moins. Et je célèbre la Saint-Valentin comme ça, là, en enregistrant un podcast. Yes, yes. Fait que, ben écoutez, aujourd'hui, ça va être assez simple. Hein? Vous avez vu la nouvelle qu'on cesse les activités de Rétro Nouveau, le podcast qu'on faisait depuis longtemps. Donc, aujourd'hui, je vais parler de ça. J'ai envie de réexpliquer l'histoire de Rétro Nouveau un peu, qu'est-ce qu'on a fait, par où on a passé et tout. Fait que je vais me plonger là-dedans aujourd'hui, ça va être un peu nostalgique et explicatif aussi de la situation. Et puis en deuxième partie, j'ai RZ and the Jewel of Faramore, qui est un jeu dont j'ai eu le code et puis dont l'embargo se terminait aujourd'hui. Alors, j'ai fait le jeu et puis je vais en parler en deuxième partie du show. Donc, voilà, on va commencer ça avec une gorgée de café. Ah. Donc, oui, hier... Là, je suis tout mélangé, je dis qu'on est mercredi, en fait, on est mardi, mais je vais le sortir le mercredi, fait qu'en tout cas, je me mélange moi-même dans mes dates. Mais lundi, le 12 février, Rétro Nouveau a annoncé la fin de ses activités. Donc, Rétro Nouveau, je pense que tout le monde qui m'écoutait présentement, vous savez ce que c'est. Je pense que les auditeurs de mon podcast Papa Cassette, s'il y en a qui m'ont juste découvert comme ça sans savoir que je faisais un podcast qui s'appelle Rétro Nouveau, vous devez être pas beaucoup. Donc, mais pour ces pas beaucoup-là qu'ils ne sauraient peut-être pas, Rétro Nouveau est un autre podcast de jeux vidéo que je faisais depuis 2011, en fait. C'est ça. Donc, Papa Cassette, ça a un peu découlé de ça, au sens qu'à un moment donné, je voulais plus avoir ma plateforme pour exprimer des choses que je n'avais pas nécessairement le temps de parler ou de faire dans Rétro Nouveau. Donc, voilà. Alors, Rétro Nouveau est quand même la base. Rétro Nouveau est pas mal la base, pour moi, de ma vie en jeux vidéo, si je peux dire, dans la communauté de jeux vidéo à Montréal et au Québec, dans le fond. Et puis, tout a commencé il y a bien longtemps. J'y vais de même, là, je raconte l'histoire. Donc, moi, en 2005, je travaillais chez... En 2005, je travaillais chez Juste pour rire. Et puis, dans le département de design graphique. Et puis, le département de graphisme dans le temps, avec tout ce que c'était, ce beau bordel. Puis, juste pour rire, c'est ça. Hein? C'est le plus fun puis le pire que tu peux avoir en même temps quand tu travailles. Fait que c'est ça. Mais j'avais du plaisir, mais à un moment donné, ils ont tout chamboulé à l'interne. Et puis, ça nous affectait énormément, nous. Et puis, j'étais devenu donc très malheureux. Alors, j'ai calissé mon camp de là. Et puis, ma boss à l'époque, que j'adore. Tu sais, dans la vie, il y a du monde des fois qui te donne des chances. Puis que ça fonctionne, tu sais. Puis qui voit en toi, tu sais, le potentiel, le possible, tu sais. Elle a vu ça en moi, cette fille-là, Catherine Verdun. C'est sûr qu'elle écoute pas le podcast, mais je la salue. Excellente personne, vraiment. Puis elle m'a engagé chez Juste pour rire, puis elle m'a donné ma chance. Et puis je partais de loin, j'avais été sur le chômage, et puis j'avais travaillé un peu une autre place dans un studio, dans un bureau d'architecture. Pas créatif du tout, mais quand même, j'ai eu des bons moments, j'ai rencontré des amis. Puis après, ils m'ont slacké parce qu'il n'y avait plus de job. Et puis elle m'a pris. Puis go, tu sais. Puis là, ça, je pouvais être créatif soudainement chez Juste pour rire. Puis ça m'a remis en vie. Puis elle m'a comme donné les rênes de ma destinée là-dedans. Puis on croit en toi, puis fais tes affaires. Fait que tout ça a été merveilleux. Je l'ai adoré. J'y dois beaucoup. C'est une des personnes à qui je dois beaucoup dans ma vie. Et puis, il y en a quand même quelques-unes. Quelques-unes et un. Et puis, c'est ça. Donc, il y a une autre personne. Elle m'a dit, check, je connais du monde. Il y a un gars comme toi qui travaillait ici avant, qui s'appelle Sébastien Wood, Et puis, il est parti, il travaille maintenant dans une agence qui s'appelle P2P, Proximité Marketing. Donc, People to People. Yeah! Et puis, elle savait qu'eux autres cherchaient quelqu'un. C'est une petite agence de marketing, pub, un peu de pub, carrément. J'oserais pas dire design. Mais c'est ça. Donc, elle m'a mis en contact avec Sébastien. J'ai passé une entrevue. Il m'a fait passer une entrevue. Et puis, ça a bien cliqué, tu sais. Et puis, il m'a engagé. Donc, j'ai travaillé dans cette petite agence P2P dans laquelle j'ai eu énormément de plaisir avec Sébastien. Vraiment. C'était vraiment le fun. Le boss, il nous laissait faire ce qu'on voulait. Tu sais, il avait confiance. On était juste deux à tout faire, là. La création, la recherche d'idées, les pitchs, la production, envoyer à l'imprimeur, les capsules web, les meetings, on faisait tout à deux et c'était vraiment stimulant. J'ai adoré ça. Et puis, ça c'était une très belle expérience. Et puis, Sébastien, un de ses amis d'enfance, était une personne qui s'appelait Bruno Georget, que j'ai connu grâce à Sébastien. Seb était un metalhead, il est encore aujourd'hui, il écoute du métal. Bruno est un gars qui écoute du métal aussi. Ces gars-là ont grandi ensemble, puis ils sont des métalleux, fait que c'est deux grands amis d'enfance et de toujours. Fait qu'éventuellement, puis Bruno était à Monsieur Net dans ce temps-là, ceux qui savent pas ce que c'est Monsieur Net, c'était une émission. Il y avait un poste de TV au Québec qui s'appelait Musique Plus, dans lequel il y avait des vidéoclips. T'écoutais quand dans le temps, avant YouTube, quand tu voulais voir ton groupe préféré à TV, il fallait que tu le pognes à TV, tu sais, comme c'était la seule façon. Quand j'étais jeune, on enregistrait des VHS, du Solid Rock, essayer de pogner des affaires, bref. Fait que Bruno, pourquoi je disais ça? Ah, je m'égare. Ouais, ben anyway, c'est ça. Fait que Bruno était à Musique Plus, comme graphiste, et il faisait aussi l'émission Monsieur Net, donc de Denis Talbot, qui était une émission jeux vidéo, mais beaucoup techno aussi, dans l'informatique, les bebelles, affaires, là. Donc, Bruno était chroniqueur à Monsieur Net. Fait que là, Seb et Bruno, c'est des grands amis. Fait qu'à un moment donné, moi aussi, j'écoutais un peu de métal, puis tout. Fait que Seb a fini par me présenter à Bruno. Puis ça a bien cliqué aussi. Un moment fort du début de notre relation, c'était un show de Motorhead ici à Montréal. En première partie, le révérend Horton Heat, c'était vraiment bon, je le connaissais pas, c'était vraiment, je connaissais une, deux tracks, mais j'ai adoré le révérend Horton Heat. Puis Motorhead, c'était incroyable, puis ça a été comme la dernière fois qu'ils sont venus à Montréal, fait que je suis content de les avoir vus. Fait que j'ai connu Bruno là, moi, Seb et Bruno, on est allés là, à l'entraque, on jasait de Castlevania et tout, fait que c'était bien cool. Fait que là, si j'ai travaillé chez Juste pour rire et P2P et qu'on a commencé Rétro Nouveau en 2011, c'est qu'on n'a pas commencé Rétro Nouveau tout de suite, t'sais. Et puis, mais on se connaissait, et puis c'est ça, tu sais, on se fréquentait un peu. J'ai un peu de misère à me souvenir exactement, hein, ça fait longtemps. Puis à un moment donné, Bruno, il a fait un party de maison chez eux, de gaming, tu sais, où est-ce qu'il a mis des stations un peu partout, puis c'était la grosse affaire. Puis il m'avait invité, puis c'était, il y avait une Wii, puis c'était le lancement de la Wii, là. La Wii venait de sortir, fait que ça vous donne une idée des dates. Et puis c'était malade. Et puis ce party-là au condo de Bruno, à l'époque, Sébastien était là aussi, tu sais, c'était le début du WEG. Donc souvent je parle du WEG, à Rétro Nouveau on parle du WEG, c'est un week-end gaming qu'on fait à Tremblant. On est une gang, maintenant une trentaine environ. On loue un chalet le temps d'une fin de semaine, puis on met des stations de gaming partout, puis on game toute la fin de semaine. Maintenant, avec les années, c'est devenu big, mais au départ, ça a été le point de départ, ça. On faisait ça chez Bruno, puis à un moment donné, après, avec les années, on a commencé à Tremblant dans une petite place, puis ça a juste grossi, tu sais. Puis c'est ça, donc à force de connaître Bruno, tu sais, il y avait du podcasting qui existait à l'époque, bien sûr, un peu. Je me rappelle plus beaucoup de show de gaming, pareil. Je me rappelle de « On n'a pas honte ». Mais moi, j'écoutais pas vraiment les shows parce que c'était tout le temps, bien sûr, sur la nouvelle. Et puis moi, c'était pas tant ce qui m'intéressait non plus, encore aujourd'hui d'ailleurs. Puis je me rappelle aussi en 2010, j'ai comme fait mon coming out de « Je suis un rétro gamer, j'aime le rétro », tu sais. Dans ce temps-là, c'était, ça commençait, tu sais, comme la mode, entre guillemets, du rétro, tu sais, d'aimer le rétro, de reparler de ça. Il y avait du monde qui collectionnait depuis longtemps, tu sais. Mais moi, j'ai commencé pas mal en 2010, tu sais, comme genre, wow, j'aime avoir des affaires vieilles chez nous, collectionner, checker l'état, l'historique des affaires. Moi, ça a commencé en 2010. Puis on a fait Rétro Nouveau en 2011, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, je me rappelle plus du buffer de temps ou qu'est-ce qui s'est vraiment passé. On regardait le monde faire des podcasts. On se dit, ah, peut-être ça serait le fun. Là. Puis à un moment donné, on a décidé de le faire. À l'époque aussi, nos amis de Fun Jouer Jeu avaient lancé leur podcast. Fait que c'était un peu avant nous. Puis pas longtemps avant nous. Puis ça a été comme. C'était comme notre chum qu'on voyait jamais, fait qu'on se lançait la balle un peu, c'était sympathique. Des fois, on se pognait un peu aussi. Je me suis pogné avec Joël un moment donné, je me rappelle très bien. Mes ententes de communication par Messenger, si je peux dire. Mais on prenait tout ça bien au sérieux là, dans le temps, nos affaires et tout, fait que c'était... C'était fou. Fait que on a commencé ça là en 2011 et puis le concept étant que Bruno était un gars de jeux modernes, même s'il connaissait les jeux rétro. Puis moi, ben j'amenais le côté rétro, tu sais. Et puis ce qu'on voulait essayer de faire, c'est faire des chroniques rétro nouveaux. Puis le premier jeu qu'on a fait à l'époque, c'était... c'était Rush and Attack. Mais Bruno avait fait la version moderne de ça. C'était Rush and Attack Expatriot. Donc, un jeu disponible sur la PS3 et donc Xbox 360, j'imagine. Et puis, digital seulement. Fait que, puis moi, en contrepartie, j'allais faire la version NES. T'sais. Fait que c'était la version. C'est ça. Je me rappelle même pas si à l'époque j'ai parlé de la version arcade, Green Beret, puis tout ça. Mais en tout cas, ça a été notre première critique Rétro Nouveau. Puis le but, là. Du podcast, c'était qu'on fasse ça, tu sais, une dualité. Puis l'un était capable de bouncer sur l'autre aussi, sur sa critique de jeu, tu sais. Puis ça a été comme ça aussi que Rétro Nouveau a été fondé, vu que Bruno était à Monsieur Net, puis il l'a été en même temps que Rétro Nouveau pendant un bon bout de temps. Là, je shooterai pas le timing des années, là, parce que faudrait que je fasse des recherches en même temps que je vous parle, puis ça sera pas intéressant pour vous. Mais à un moment donné, Musique Plus a fermé, puis Monsieur Net a fermé aussi, mais il y a eu Rétro Nouveau en même temps que Monsieur Net pendant un bon bout de temps, là, tu sais. Puis c'est ça, fait que la formule critique de jeu, tu sais, elle vient de Monsieur Net, dans le fond. Fait que, tu sais, moi, j'étais green, là, je connaissais rien, tu sais, j'étais comme, waouh, hey, Bruno est à TV, tu sais, on va faire ce qu'il dit. Et puis, Bruno, je pense qu'il avait besoin de parler plus des jeux qu'il jouait, parce qu'à Monsieur Net, c'était très cool, là. C'était 2-3 minutes, là, la critique d'un jeu, tu sais, qui est. On se rappellera toujours de sa critique de Skyward Sword, où est-ce qu'il avait joué, tu sais, pendant. Sais-tu, moi, 50 heures, ou je sais pas quoi, il y a 2 minutes pour en parler, et puis il se fait interrompre par les autres, puis tout le monde niaise, puis tout le monde chie là-dessus, parce que c'est un jeu de Wii, puis la Wii, c'est de la merde. Fait que c'est pas plaisant. Alors, avec Rétro Nouveau, au moins, il pouvait parler longtemps de des jeux qu'il jouait, tu sais, puis Bruno, c'est le plus grand passionné de jeux que je connais, tu sais, il essaye tous les jeux, il donne sa chance à tout. Rétro, comme il est tout le temps stimulé par tout ça. Fait que c'est ça, tu sais. Puis c'était. On est parti de là. Puis je me rappelle plus à l'époque, outre les critiques, c'est quoi qu'on avait. On avait des discussions, I guess. Faudrait que je retourne voir. J'ai pas écouté nos vieux épisodes depuis tellement longtemps. On a fait un spécial Castlevania aussi, assez proche du début, où est-ce que je faisais juste parler de tous les Castlevania que je connaissais. C'était un bon épisode. Fait que c'est ça. Et puis, on faisait ça les deux. Ben, les trois avec Audacity. Donc, on utilisait Audacity. On avait acheté des micros. On essayait que ça marche. C'est-tu qu'on avait de la misère avec la technique, là. Il y a des épisodes qu'on a refait parce qu'on s'est rendu compte que ça enregistrait pas. Et on comprend pas pourquoi. Fait que là, ben, on était brûlés, là, tu sais, de refaire les shows tout le temps. C'était, ben, pas tout le temps, mais quand ça arrivait, c'était tough, tu sais. On a commencé dans mon ancienne maison que j'ai achetée en 2007, ouais, me semble. Ben non, on a commencé en 2011. Ah, je suis tombé mélangé. Oui, c'est ça, j'ai acheté une maison en 2007. On a commencé le podcast en 2011. dans ma maison. Puis là, c'était fou parce que Bruno, il travaillait à Musique Plus. Moi, je travaillais à la maison, je travaillais autonome, tu sais. Et puis Bruno, et comme sur son heure de dîner, il partait de Musique Plus, il grabait un sandwich, on faisait ça sur l'heure du midi, il reflyait à la job, tu sais, c'était vraiment pas évident. Et puis, il y avait un enfant, j'avais un enfant, puis il y a eu un deuxième enfant. D'ailleurs, dans un des épisodes de Rétro Nouveau, au début, sa blonde appelle pour dire qu'elle a crevé ses os ou quelque chose. Il a fallu qu'il parte tout de suite. Je pense que c'est l'épisode 7. Vous pouvez aller écouter ça. On a juste laissé ce petit épisode-là. C'est quand même un bel épisode. Fait que, on était full d'un travail-enfant. C'était fourette. Mais on a commencé chez nous. Et puis, après ça, on a déménagé le show. Moi, j'étais travailleur autonome avec deux amis dans un espace commercial que je louais, dans un gros complexe là, de loft industriel, dans le fond, sur Parthenay, coin Ontario, à Montréal, bien sûr. Et puis là, on a déménagé nos activités sur c'est drôle parce que cette place-là que je louais, dans le fond, c'était le même propriétaire que le futur local de Arcade MTL sur Moreau, avant qu'on ouvre le bar, tu sais, fait que comme c'est raccord. Et puis la place où est-ce qu'on a déménagé notre business de graphiste, dans le fond, mes amis, notre projet de travail autonome de graphiste, c'était au Cadbury, l'immeuble Cadbury, donc sur Masson, coin Delorimier, environ. Puis on n'est vraiment pas resté longtemps là-dedans. On s'était mis avec une autre agence de web, ça marchait plus ou moins. Puis là, moi, les gars avec qui j'étais, ils commençaient à partir, manquaient de contrat, fait que... Ça a fait patate à ce moment-là. Mais le premier, on a fait appel sur les médias sociaux. On cherchait quelqu'un pour rajouter du vidéo dans notre affaire. T'sais, on voulait quelque chose. C'est là que Jeff est apparu. Il écoutait déjà le show. Il a dit « Moi, je vais le faire ». Il s'est pointé. Puis on a fait. Il nous a filmé en train de parler. On est dans ce local-là, vraiment, dans lequel on n'a vraiment pas été longtemps. Puis ça a été la première affaire vidéo de Jeff avec l'éclairage. Je me rappelle de ma critique, moi, c'était les Turtles au NES, et puis GF, il nous filmait en train de parler, puis tout, puis le montage. Fait que ça commençait là avec GF, il a répondu à l'appel. Et puis après ça, on est retourné faire ça chez nous. Et puis là, des fois, on jouait à des jeux, puis GF filmait ça. Il filmait à CRT, tu sais, mais il nous filmait aussi. Je me rappelle, on avait joué à Alex Kidd au Sega Master System. Puis là, dans la place qu'on le faisait, c'était dans mon ancienne maison, mais dans la pièce arrière, avant. Entre les rénovations, tu sais, on a commencé à stripper des affaires, mais c'était brun, là. Puis on faisait ça là-dedans. C'était fou. Et puis, GF, il venait, il filmait tout le shit, là, tu sais. Fait que c'était. On faisait notre possible, mais on donnait. C'est fou, hein, parce que les podcasts d'aujourd'hui sur TikTok, tu vois les segments, puis tout, ils font exactement avec quand même du budget, là. Ce qu'on faisait à l'époque, tu sais, du mieux qu'on pouvait, là. C'était fou, là, tu sais. Puis les podcasts étaient-ils sur YouTube? On mettait peut-être des affaires sur YouTube, je me rappelle plus. Si vous voulez voir d'ailleurs tout ce qu'on a produit et qui existe de Rétro Nouveau et sur YouTube, ou rétronouveau.ca aussi, vous pouvez reculer. Je sais pas si exactement tout est sur notre site web. Mais c'est ça, on a commencé on faisait notre possible, là. On voulait du vidéo et tout. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai de la misère avec mon timing. On a fait ça chez Bruno aussi, bébé naissant. Même à un certain moment, on en faisait deux par soir. Comme ça, on avait un en banque. Je pense que c'était avant JF, ça, peut-être. On avait un en banque, comme ça nous permettait d'en sortir deux, tu sais. Puis là, à un moment donné aussi, on a voulu pousser la patente avec le rétro nouveau, tu sais. On voulait faire... une plateforme, tu sais, on voulait avoir des critiques écrites, tu sais, on voulait avoir des blogueurs qui allaient écrire des affaires, mettre du stock. À un moment donné, je sais pas si c'est pas mal à la même époque, où est-ce qu'on a splitté le show en deux, ou est-ce que un moment donné, hey, je vais dire un moment donné, là, souvent, je vais essayer de pas vous gosser avec ça, mais on a décidé d'aller all-in vidéo à un certain moment, Puis là, on y allait, là. On faisait des capsules, des tops, des affaires, des idées, des personnages, Carnov versus Master Chief, c'est pas Master Chief, là, mais je me rappelle plus, des affaires de même, on jouait aussi à des jeux Atari, GTA, on faisait des émissions de télé, tu sais, on essayait de produire le plus top possible d'une émission de TV qu'on aurait voulu, nous, avoir à TV. On faisait ce qu'on aurait voulu qu'il aille à TV et qu'on aurait consommé. Puis ça aurait tellement marché. Puis c'était notre désir, là, on va pas se le cacher. Là. La TV, dans ce temps-là, c'était la TV, puis ça marchait, puis c'était le but ultime de se rendre à TV. Puis vraiment, on produit. Tout ça, c'était juste des maquettes qu'on espérait que quelqu'un voit un jour pour nous approcher et qu'il nous donne une chance à Z Télé dans le temps, je sais pas quoi, là, tu sais. Il y avait la revanche des nerds et puis tout ça, tu sais, mais nous autres, c'était gaming, là, vraiment, jeux vidéo de toutes les générations. Puis, c'est-tu populaire, ça? Ben, je pense que ça l'est encore, n'est-ce pas? Alors, il y a de quoi à faire, c'est du contenu infini, tu sais, on aurait pu faire des choses avec ça, vraiment. Je trouve que on a tout le temps été avant notre temps, tu sais, avec ce projet-là, vraiment. Tu sais, les podcasts aujourd'hui, tout le monde en fait. Là. Je vais dans les studios de radio aujourd'hui, tu sais, il y a juste des bouts partout à podcasts, whatever, tu sais, tout le monde fait des podcasts. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas tant de podcasts, tu sais, et puis il y a du vidéo, se filmer en train de parler, d'avoir une discussion, tu sais, comme tous les podcasts aujourd'hui. On faisait ça depuis très longtemps, là, tu sais. Fait qu'on a eu toutes ces idées-là bien avant que ces idées-là deviennent populaires. Notre brand, on travaillait ça, tu sais. Puis notre plateforme, donc, comme je disais, on a construit ça aussi. On avait du monde qui rédigeait des articles pour nous. C'était vraiment bien. C'était l'ouvrage aussi quand même, beaucoup, là, tu sais, parce qu'on était sur WordPress. Puis là, il fallait que les gens uploadent leurs images, puis ça soit clean, tu sais. C'était la grosse machine là, qu'on a bâti là, vraiment à cette époque-là. Et puis, je pense que c'est à cette époque-là aussi que Mario Ramos s'est joint, notre ami Mario. Et puis, il prenait ça quand même en charge. Là. C'était-tu lui qui était en charge de ça, la section blog et articles et tout ça? Quand même, Mario était sur le show aussi. Puis, plus tard, Mario est allé à RDS Jeux vidéo. Et puis, j'avais été rencontré, moi, par les personnes mandatées de créer la plateforme RDS Jeux vidéo. Et puis, pour voir si j'avais une place là-dedans, puis tout ça, je me rappelle, j'étais tellement excité du meeting. Je me suis dit, oh, tu sais, je peux-tu peut-être être à temps plein là-dedans? Je vais tout donner, je vais tout faire. Finalement, ils m'ont jamais appelé. Mais j'avais donné des bons mots par rapport à Mario, qui avait été aussi gérant chez Arcade MTL. À cette époque-là, je pense qu'il venait juste de finir, fait qu'il avait travaillé fort pour Rétro Nouveau, tu sais, toute la section journalistique, il avait travaillé fort comme gérant à l'arcade, fait que j'avais donné des bons mots pour lui là-bas, et puis je pense que j'ai eu un certain poids dans leur décision d'engager Mario, puis il a fait ça pendant un bout de temps. Puis Mario m'a donné des gigs à RDS. Dans le fond, mon podcast, quand je l'ai lancé au début chez Papa Cassette, c'était sous RDS. Donc RDS avait la priorité. Et puis après, je le publiais sur mes affaires. Donc j'avais un cachet rattaché à ça. Puis je faisais des articles aussi sur RDS. Pour ça, je faisais du streaming sur RDS aussi. Je gamais, tu sais. Fait que j'avais des petits cachets pour ça. Puis ça m'encourageait parce qu'à cette période-là, j'étais quand même assez cassé, là. J'avais de moins en moins de contrats, puis j'étais super impliqué dans mes affaires de gaming, tu sais, l'arcade qui n'était pas encore l'arcade. Et puis, était-elle l'arcade? Je pense que oui. Mais j'avais moins de contrats, puis là, Retro MTL, tu sais, on faisait ça, mais tu sais, c'était pas nébuleux, tu sais, mais c'était pas... on n'était pas en train de penser qu'on allait vivre de ça du tout, là, tu sais. Fait que j'étais dans une zone grise très précaire, mettons, et très stressante, personnelle. Puis ça m'a beaucoup soutenu, ça, les gigs à RDS. Donc, merci beaucoup, Mario. Ah, et puis, c'est ça. Donc, pour revenir à Rétro Nouveau, où est-ce qu'on était à cette époque-là? On s'est promené. On l'a fait chez Arcade MTL. Ça, c'était tough parce que la technique, l'éclairage, tout ça, on le faisait dans le bar. Quand on a ouvert le bar, on a fait un épisode live dans le bar. Puis on s'est dit, on va être live devant public tout le temps. Puis tout, finalement, on s'est rendu compte, ouais, non, c'est comme stressant, ça, là. Puis on a besoin d'un espace. Mais on trouvait la place super belle, tu sais. Fait que ça faisait cool d'avoir un podcast dans ce décor-là. Et c'est vrai, mais c'était... c'était pas facile quand même, là. C'était pas évident. On était comme pas dans nos pantoufles, là, tu sais, puis ça faisait rusher JF. Fait que on a fait ça aussi chez JF à plusieurs places. JF à son condo. Mais attends, là, je vais trop vite. Ben Gagnon, anciennement de Monsieur Net aussi, s'est joint au show éventuellement, où est-ce qu'il parlait de, comme on disait, de slow gaming, donc des jeux lents. Pas plus, c'était un jeu que je me souviens de slow gaming. Il avait-tu fait Aerobiz, genre des affaires de même, donc des jeux lents, à long déploiement, tu sais, Draken aussi, peut-être des affaires comme ça. Donc, il était venu aussi, puis il n'a pas resté super longtemps, Ben, mais c'était sympathique, là, tu sais, de l'avoir sur le show. Nick Lachapelle s'est joint aussi à nous. On avait fait une entrevue à l'époque avec Nick Lachapelle, puis notre autre ami Nick Chalifou, puis pour voir, tu sais, comment ça allait fitter avec nous autres, une entrevue, c'est comme un enregistrement en test, tu sais. Puis finalement, Nick Chalifou, il a décidé de pas embarquer dans le show parce qu'il allait travailler pour Nintendo. Puis là, il allait peut-être avoir des conflits, tu sais, comme des choses qu'il pouvait pas dire ou je sais pas quoi. Fait qu'il était pas à l'aise, fait qu'il a pas embarqué. Puis c'est normal, puis c'est correct. Mais Nick Lachapelle a embarqué. Je pense qu'on était très vidéo dans ce temps-là. Parce que comme je disais, on est allé full vidéo, que vidéo, pendant un moment. Puis Nick Lachapelle était là-dedans aussi. Puis man, on se brûlait, là. Esti, qu'on se brûlait à faire ça. À penser à tout ce qu'on allait faire, créer du visuel. JF, lui, comme il faisait le montage. Des fois, nous autres, on était très piqués. Tu sais, non, l'affaire, peux-tu la tasser? Tu sais, on est comme des artistes, on est comme des designers. Tu sais, on veut que ça soit parfait. Fait que, puis moi, je me rappelle, j'avais lâché le travail autonome parce que j'avais fait une dépression. Je me dis, il faut que je retourne travailler dans le monde. Tu sais, je suis allé retourner travailler en agence. Puis sur toutes les heures de midi de mon agence. Déjà que ça allait pas si bien que ça à cette agence-là, parce que le match n'était pas. Je le filais pas, tu sais, mais j'essayais, tout ça. Moi, j'étais très corpo, design. Eux autres, c'était marketing, tu sais, puis explosif, puis tout ça. Puis tu sais, moi, je veux pas, j'étais travailleur autonome depuis plusieurs années avec un client très corpo qui a payé ma vie, mes enfants, ma maison, mes affaires. Fait que ça a été une bonne coupure aussi quand je leur ai annoncé que je retournais en agence, là. Ça n'a pas été évident. Puis là, j'étais allé travailler dans cette agence-là pendant un an. Puis c'est à ce moment-là qu'on faisait Rétro Nouveau que vidéo. Puis à toutes mes heures de midi, Chris, man, je travaillais à mon ordi tout le matin. C'est l'heure du midi, je mange à mon ordinateur. Ah fuck, ça fait déjà 1h20, tu sais, que je fais du montage, que je fais mes affaires de Rétro Nouveau. Ok, ferme ça, continue à travailler ma vraie job, tu sais, meeting, puis tout. J'allais jamais dehors, je voyais pas l'air, j'étais à mon ordi. Je voulais mourir, tu sais, mourir. Déjà que je sortais d'une dépression pour aller dans une agence, puis là, c'était une pas mal plus grosse agence que je pensais, fait que là, la pression était grande, puis je sentais pas que j'avais nécessairement ma place tant que ça non plus. Je pense que le directeur créatif, là, j'avais aucun problème avec l'équipe, tu sais, l'entre-gens, tout ça, mais j'ai été engagé pendant que lui était pas là, par le boss au-dessus, puis je pense que c'est mon ami Sébastien qui m'a plugué là, d'ailleurs. Sébastien Wood encore. Et puis, je pense que lui, mon directeur de création, m'aurait pas engagé, tu sais. Mais c'est ça. Des fois, j'ai été imposé à lui. J'étais pas ce qu'il cherchait, je pense, pour son équipe à ce moment-là. Fait que, ouais, pour revenir à Sébastien aussi, il a fondé le Boulevard Brutal avec Bruno à l'époque, donc, qui était un blog de gaming, tu sais. Pas de gaming, mais de métal. Donc, il y avait leur projet, on a leur projet, donc, ça aussi, on était de connivence là-dessus. Hein. Je veux nommer aussi le podcast Trois Bières avec qui on parlait à l'époque et puis qu'on se connaissait, puis qu'on est devenus amis, faisaient leurs affaires. Fait qu'on était toute une petite gang de podcasteurs. L'Épée Légendaire aussi, Maxime Tremblay. On était tout du monde qui se parlait, puis qui était dans le podcasting, puis on checkait ce que les autres faisaient, puis tout ça. Tu sais, c'était très au début, ça. Il y a eu les podcasts All-Star aussi, les Mystérieux Étonnants, bien sûr, comment les oublier. Qui étaient déjà là depuis longtemps dans le podcasting, tu sais, puis qui ont fait les podcasts All-Star à l'époque, qui invitaient tous ces podcasts-là, gros party sur le toit d'Ubisoft, tu sais, j'étais allé avec Bruno, puis tout, c'était... Il y avait du stock, là, tu sais, comme c'était pas du réseautage, là, mais c'était vraiment une communauté, là, tu sais, puis c'était super stimulant, puis le fun, puis on regardait les autres aller, Puis ça poussait tout le monde à hopper sa game aussi. C'est comme, câlisse, eux autres sont sur la coche, là. Faudrait peut-être revoir notre image, améliorer notre son, tu sais, faire des affaires-là. Fait que tout ça, c'était très cool. Donc, je reviens à cette époque-là. Puis, j'ai travaillé pendant un an dans cette agence-là. Puis, finalement, je remplaçais aussi un congé de maternité. Puis, ils m'ont pas gardé. Puis, c'est bien correct. Je pense pas que ça aurait marché de toute façon à long terme. Fait que j'ai rappelé mon gros client de travail autonome. Tu sais, puis je suis retourné à maison, travail autonome pour eux à la maison. Puis là, j'ai senti là, le poids de l'univers là, se lever de mes épaules. Je retournais dans mes pantoufles avec du temps, de la légèreté. Puis je me rendis compte à quel point j'étais bien. Puis c'était pas, je sais pas comment expliquer ma dépression. Mais c'est pas parce que j'étais tout seul à la maison, tu sais, mais peut-être parce que je manquais de stimuli, là, justement. Puis là, a commencé pour moi le Funzo. On m'a appelé pour faire des soirées gaming au Funzo, rétro. Puis moi, je collectionnais, puis j'étais dans le gaming depuis, dans le rétro, puis tout ça depuis 2010. Fait que là, on est en 2008. Ouais, 8, 9, quelque chose de même, là. La même année que mon deuxième est né, donc. Non, mon premier est né en 2008. Ben non, mais c'est ça, on a commencé à Rétro Noir en 2011, ça par rapport. Je sais plus. Je suis tellement mélangé. On a tellement fait d'affaires. C'est tellement du timing. Bref, on m'a appelé. J'ai commencé à faire des soirées rétro. Et puis c'est là pour moi que tout a embarqué ce que je suis aujourd'hui. Vraiment, et j'ai plus jamais été en dépression par rapport à ma vie professionnelle. Des fois fatigué, mais pas déprimé, tu sais. Alors ça m'a bien gros sauvé. Fait que, donc, Rétro Nouveau chez nous. Après ça, Rétro Nouveau chez JF à son condo. On l'a fait avant qu'Arcade MTL ouvre. Première itération d'Arcade MTL, mon petit local sur Frontenac. C'est là qu'on a fait des entrevues avec les deux Nick, donc Nick La Chapelle s'est joint. Donc ça, c'était pas longtemps après que j'ai quitté l'agence, en effet, donc le timing est bon. On a fait ça là-dedans. Arcade MTL évolue et va dans le loft industriel sur Moreau. Donc après, on l'a fait là. Ben Gagnon est là, Mario est là à cette époque-là. Et puis l'année d'après, Arcade MTL, le bar ouvre. Et puis là, on l'a fait dans le bar un peu. Et puis là, JF, il était comme, moi les gars, plus capable. On le fait chez nous ou on le fait plus. Fait que c'est bien bon. JF, il habitait à Longueuil et puis il a setupé ça dans une pièce de son condo. Et puis, on a fait là pas mal. Et puis c'est à ce moment-là que Fred Gémus s'est joint. Que Fred, j'ai connu sur Moreau, vraiment. Il est apparu à un moment donné, un ami d'un ami, je sais pas quoi, puis ça a cliqué. Et puis, fait que j'ai connu Fred à partir de ce moment-là. Puis Mario puis Ben étaient partis, Nick La Chapelle était là. Il était-tu encore à temps plein à cette époque-là? Je pense qu'il ratait de temps en temps. Fait qu'on cherchait une personne de plus, j'ai proposé Fred à Bruno. Et puis Fred, il était dans le rétro aussi, mais beaucoup, il connaissait bien sûr les jeux modernes. Il travaillait chez Ubisoft à l'époque. Ben de la parlotte, tu sais, comme dynamique. Fait que c'était bon, ça a cliqué, puis il est embarqué à ce moment-là. Ouais, il me semble que c'est ça, le timing. Et puis on a fait ça chez JF dans ce condo-là pendant un bout. Après, on a fait dans le sous-sol de la maison à JF. C'était c'était tout propre, là, blanc, qu'on était assis tout un à côté de l'autre, là. Excusez, je vais prendre une gorgée. J'ai vu une notification, je l'ai la lire. Une notification de quelqu'un qui me donnait de la merde à une certaine époque, mais que là, on dirait que non. Fait que, voilà. Et puis, ouais. Fait que ça, c'était la version Rétro Nouveau, là, propre. Avant la COVID, me semble. C'est-tu la COVID qui a mis la hache dans cette variation-là de Rétro Nouveau? Me semble que oui. A commencé autour de cette époque-là aussi notre commanditaire de la microbrasserie Pixel, Étienne Turcotte, donc j'ai connu, parce que moi j'aime aussi, un de mes intérêts, c'est la bière de microbrasserie, autre que les jeux vidéo, des fois on nous le demande à Rétro Nouveau. Donc, la bière de microbrasserie. Et puis, donc, lui, il était dans le game. Il aime les jeux vidéo aussi. Fait qu'à un moment donné, on s'est trouvé, tu sais. Puis, il a accepté de commanditer notre show. On cherchait des commanditaires. Donc, il nous donnait de la bière comme ça. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Mais à l'époque, lui, il était Vox Populi. Il avait fondé Vox Populi. Fait qu'on avait de la bière Vox Populi. Puis, il a vendu Vox Populi. Et puis à un moment donné, Vox Populi s'est juste détaché de lui, là, dans le fond. Fait qu'on a eu les deux, tu sais. Donc, sur le mur, chez JF, dans le sous-sol, il y avait une petite pancarte Vox Populi. Puis c'est devenu Pixel à un moment donné. Tu sais, il a comme lancé ce brand-là. Donc, avec un de ses partners, fait qu'ils sont deux là-dedans aujourd'hui. Et puis ça existe encore, microbrasserie Pixel, bien sûr. Puis ça a été ça, dans le fond. On faisait ça chez JF. Pendant la COVID, on faisait ça. JF, lui, il a eu des moments. Ça a été dans sa vie personnelle un bon 2 ans là, qu'il y avait des choses à régler, des épreuves pas mal difficiles, puis pas mal en même temps que la COVID. Fait que JF a été sur mute là, pendant un bon 2 ans quasiment. Il en avait besoin, puis il n'y a pas de problème. Fait qu'on a fait, moi, Bruno, JF. Moi, Bruno, Fred. On en a fait dans le sous-sol chez Fred aussi, dans sa gaming room. Des épisodes d'été bien arrosés, là, je me rappelle, des longs épisodes, il faisait chaud. Puis moi, c'était l'été, je venais en vélo, je buvais, tu sais, comme on se laissait aller. C'est que c'était des beaux moments, ça, c'était bien le fun. Et puis, quand ça a été permis qu'on revienne tous ensemble, comme on louait le deuxième étage ici chez Retro MTL, et puis il y avait un espace bureau, et puis libre, et puis que c'est là qu'on a mis le présent studio, dans le fond. Puis c'est un setup permanent qu'on n'a plus jamais besoin de débrancher. Pour le JF, c'est beaucoup plus facile. Il prépare les affaires à distance, il arrive ici, il a juste à checker 2-3 trucs, puis c'est tout. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Donc, ça, c'était pas mal, ça, l'historique des places où est-ce qu'on a enregistré Rétro Nouveau. Puis, il y a la vie secrète des geekettes qui enregistre aussi ici, maintenant. Donc, ça, c'est un très vaste et historique un peu décousu dont il faudrait avoir une timeline graphique puis tout remettre ça en place. Mais il y a tellement de branches, puis de choses, puis d'itérations qui se sont passées, là, tu sais. Fait que, ouais, puis à un moment donné, c'est ça, on faisait Rétro Nouveau TV, puis Rétro Nouveau Radio. On faisait vidéo et podcast. Je pense que c'est à cette époque-là aussi que c'était à l'agence, en fait. Donc, quand je travaillais à l'agence, la semaine qu'on faisait podcast, j'avais pas de visuel à faire. C'est peut-être pour ça que je suis pas mort. Puis la semaine qu'on faisait vidéo, là, j'avais du visuel à produire, tu sais, puis... Fait que c'est ça, en gros, Rétro Nouveau. Ça a été une grande, grande, grande aventure. Puis, vraiment, tu sais, puis on sait pas... c'est quelque chose aussi qu'on a poussé énormément au début, pendant une couple d'années. Puis, à un moment donné, on a comme arrêté, tu sais, de le pousser. Tu sais, on allait dans les shows de Nintendo, on était invités... aller au show de Nintendo, on est allé pour la sortie de Skyward Sword justement, et puis Kirby Mass Attack, Scribble Nuts, des nouveaux jeux de Wii qui sortaient, on allait tester ça, la 3DS, le lancement de la 3DS, on a fait un épisode aussi à Rétro Nouveau sur les pères qui jouent à la 3DS avec leurs enfants, Nintendo nous ont donné ça. Fait que ça, c'était cool. La Wii U, le lancement de la Wii U, on est allé à des événements de Nintendo comme ça. Le lancement d'RDS, on était présents. On a fait des shows live aussi, pas au Comic-Con, mais au Geek Fest. Il me semble que c'était le Geek Fest. On a fait des shows live là. J'ai jamais tant aimé les shows live de Rétro Nouveau. Je trouve que pour un show live, il faut que tu amènes autre chose. Et puis... On n'avait pas la bonne formule, je trouve, pour que ça soit nécessairement intéressant en live. Tu sais, la critique de jeu live, c'est pas vraiment ça que ça prend. Et puis c'est ça. Prendre une autre gorgée de café. Donc, voyons. Ouais, c'est ça. Des shows live, j'aimais plus ou moins ça. On a fait une tournée de Game Chasing à Ottawa aussi avec des amis. Où est-ce qu'on a tout filmé ça, JF a filmé ça, puis il y avait le YouTuber à l'époque, Je joue le jeu, qui faisait du super bon stock, Guillaume Couture, fait qu'on l'a embarqué, on a reach out à lui, on a essayé de se mettre amis, il est venu game chaser avec nous autres. Ça c'était... excusez, je pense à quelque chose là. Fait qu'on, c'est ça, on essayait de reach out aux gens qui faisaient des affaires qu'on aimait, tu sais. Puis ces gens-là sont devenus des amis, ben, des fois pendant un bout. Et puis on avait invité Guillaume Couture au show, il était venu. On l'avait même invité au WEG, il était venu. Il avait amené sa 3DO avec tout son kit, là. Ça, c'était pas mal cool. Il y a un autre podcast à l'époque, ou un YouTube qui s'appelait. L'animateur était Monsieur Boisson. Je me rappelle plus du nom du show. C'était-tu Monsieur Boisson? Je me rappelle plus. Et puis, bref, il a pas fait longtemps. Puis il avait fait un épisode sur la boisson de prison qui avait été super populaire. Puis on trouvait ça cool. T'sais, on l'avait invité. Puis il est devenu un de nos amis. Et on l'avait invité au WEG. Puis à ce jour, même s'il n'est plus là-dedans, pantoute depuis des très longtemps, Monsieur Boisson continue de venir au WEG. C'est les seules fois dans l'année qu'on le voit, tu sais. Il est aussi dans un chat là, de bière là, qu'on a, puis tout ça. Fait que, tu sais, il se crée des amitiés comme ça. C'est quand même très drôle. Damien, qui était à fond de jouer jeu, qui est devenu un ami de la gang, il habite à Québec, puis tout. Mais il vient ici. Des fois, on va là-bas, on est allé de gamer chez eux. Tu sais, il nous accueille. Il y a tellement de... Tu sais, Fred, aujourd'hui, travaille avec Yannick Belzil chez Tribute, qui est dans le temps, Trois Bières, Yannick Belzil, tu sais, Pierre-Luc de Trois Bières aussi, j'ai croisé, RDS, Mario, RDS, tout se connecte ensemble, tu sais, il y a tellement comme une toile qui s'est créée autour de tout ça. Tribute sont venus une couple de fois à Rétro Nouveau aussi, avant qu'on connaisse Fred même, je pense. Quand Fred commençait là, peut-être. Ouais, non, ou avant. Bref, parler des jeux, tu sais, qui lançaient, puis tout ça, c'était ça. Il se crée comme un réseau là-dedans, comme ça. Le réseau, il y a tellement de toiles, il y a tellement de liaisons entre toutes, tu sais, le Rétro Nouveau, Arcade MTL, Rétro MTL, le WEG, les amis, les autres projets, le monde qu'on connaît, tu sais, toute la bière, veut pas aussi, ça a connecté d'autres mondes, tu sais, c'est assez incroyable tout ça. Fait que bref, je vous en ai dressé un portrait. On pourrait en parler pendant bien longtemps, puis si j'étais avec les autres de Rétro Nouveau, on popperait d'autres idées puis d'autres affaires, mais c'est ça. Puis maintenant, pourquoi est-ce que tout ce si beau projet-là prend fin? Au dernier show, on a fait le dernier show, comme de même, comme d'habitude, comme si de rien n'était. Et puis, c'est ça. Fait que le lendemain, Bruno nous a annoncé qu'il désirait quitter le show. Et puis, il n'y avait pas de chicane, là, il n'y avait rien. Bruno avait comme sentait qu'il était rendu au bout du truc et puis que c'était rendu vraiment un job pour lui. Et puis que on se renouvelait pas, puis c'était ça, fait que puis ça lui tentait plus bien de vivre ça de même, t'sais, puis qu'on avait fait le tour. Fait que OK, alors voilà, ben je comprends ça, t'sais. On a eu des enfants, on a changé de carrière, on a ouvert des bars, on a lancé des business. Moi, pendant que j'avais des enfants naissants, j'ai tellement fait d'affaires, là. C'est comme, je comprends parfaitement. Puis à un moment donné, la vie, ça pèse tout ça, tu sais. Puis Rétro Nouveau, ça c'était Bruno, tu sais. Après, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai déjà eu, tu sais, ça me passe par la tête, là. À un moment donné, on se dit, je vais lâcher, tu sais, comme ça me tente plus, là. Ça me tente plus d'aller là à toutes les deux semaines. Je suis fatigué, j'aimerais mieux rester chez nous. J'ai pas de jeu à parler cette semaine, tout ça. J'ai déjà pensé, moi aussi, quitter le show de temps en temps. Surtout dans le temps de la COVID, moi, je trouvais des shows à distance, là, avec le casque, là. Je trouvais ça horrible, horrible, horrible. Je veux rien savoir de ça. Moi, j'aime les shows en personne. On bounce, tu sais, on fait des jokes, ça coule, tu sais. Moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment. Fait que ça, j'ai trouvé ça dur. Fait qu'à cette époque-là, j'avais vraiment envie de lâcher. Puis à certains moments aussi, tu sais, comme à un moment donné, ta tête est pleine, puis tout, puis t'as plus la force. Tu sais, moi, ce qui s'est passé avec le temps aussi, j'ai plus la force de créer pour être au nouveau, tu sais. Je sais, là, que je réponds pas aux messages, jamais dans le Discord, que notre logo à telle place, il est pas pareil qu'à telle place, puis qu'il faudrait l'updater, puis ci, puis ça. Mais tu sais, pour moi, Rétro Nouveau passait en dernier, tu sais. La seule raison pour laquelle j'ai continué de faire Rétro Nouveau pendant si longtemps, c'est parce que j'avais juste besoin d'arriver, de m'asseoir, tout était prêt, je parlais, je m'en allais, le lendemain, le show était live, tu sais. Ça, c'est tout JF qui maintenait ça solidement, à bout de bras, ben à bout de bras, tu sais. Quand je dis à bout de bras, ça sonne comme s'il était à bout. Je pense pas qu'il était à bout. Mais c'est JF qui maintenait ça, tu sais. Puis je sais que Bruno, il aurait aimé ça, tu sais, qu'on se donne plus. Puis qu'on fasse des critiques spéciales, des épisodes spéciaux, la recherche, le show d'Ataïste, on ne l'a jamais fait, comme un auditeur disait. Tu sais, des affaires de même. C'est ça qui l'allumait, tu sais, puis c'est ça qui nous stimulait à une certaine époque. Mais moi, à un moment donné, j'ai abandonné ça, tu sais. Puis au début, il y a longtemps, je prenais des notes, tu sais, pour mes jeux, tu sais, puis des idées, puis tout ça. J'ai tout arrêté. Pour moi, je vais m'asseoir là, puis on parle, puis je livre le jeu. J'ai quand même une structure dans ma tête de comment je vais parler d'un jeu. Et puis en essayant de rien oublier. Puis j'oublie rien, mais je veux parler plus en émotion, tu sais, qu'en fait, tu sais, qu'en fiche technique, mettons. Fait que, pour moi, c'est ça. Moi, Rétro Nouveau, c'était juste Cruise Control. Les auditeurs sont là. Ça grossit un peu quand même. Patreon, il y en a qui s'ajoutent. Puis ça roule. C'est un bon produit. C'est le fun. Mais c'est pas tant évolutif, tu sais. Puis j'ai pas l'énergie d'en mettre plus. Parce que, Chris, le TikTok d'Arcade MTL, il existe pas. Faut travailler là-dessus. Rétro MTL, là, j'ai comme... Tu sais, veux pas, c'est ça ma business, là. C'est ça qui paye les billes, là, tu sais. Ces deux entreprises-là. Et que je les sens pas maîtriser à 100% sur bien des aspects. Tu sais, j'ai ça en tête avant de genre mettre du temps sur Rétro Nouveau qui m'apporte bien du plaisir, tu sais, mais qui m'apportera rien de plus, tu sais. Puis l'investissement de temps, de genre, vas-tu réussir à faire pousser Rétro Nouveau, l'amener au bord de la ligne du show... Du show amateur à genre show professionnel, puis ça va peut-être débloquer. On l'a fait pendant des années, puis on y est pas arrivé, tu sais. Si on veut faire quelque chose avec ça maintenant, il va falloir mettre les efforts, mais personne n'a le temps, tu sais. Fait que personne n'a le temps, puis c'est ça qui arrive. Donc, quand Bruno nous a annoncé qu'il voulait partir, j'ai pas fait le saut, puis ça m'a poussé une réflexion aussi, tu sais, j'ai parlé avec JF, j'ai parlé avec Fred le lendemain. Fred était encore bien motivé à continuer. JF, je pense qu'il attendait juste de voir qu'est-ce qui allait se passer, en fait. Puis, c'est un peu à cause de moi aussi que Rétro Nouveau arrête, au sens que j'aurais pu continuer avec les gars, tu sais. Mais, parce que Bruno, il dit, faites ce que vous voulez, les gars, ça m'appartient pas. Rétro Nouveau est là, tu sais, puis c'est à vous, puis allez-y comme vous voulez. Mais moi, j'ai décidé d'arrêter aussi. J'ai eu un moment, tu sais, ils nous annonçaient ça jeudi. Puis j'ai réfléchi à tout ça, puis c'est le dimanche suivant que j'ai annoncé au gars que j'allais pas continuer, moi non plus, en fait. Puis c'est ça. Donc, moi, mes raisons sont un peu comme Bruno aussi. Par contre, tu sais, moi, j'aurais pu continuer sur le Cruise Control un peu, même que mes enfants grandissent, là. Fait que je regagne un peu de temps. J'avais envie de peut-être de revoir le brand, le décor du studio, quelque chose. Tu sais, je recommençais à avoir un certain désir de peut-être faire de quoi. Mais d'un autre côté, ce que je trouve difficile parfois dans ma vie, c'est de rendre des comptes, là, tu sais. Parce que c'est normal, il faut que j'en rende, tu sais. Genre, je rends des comptes aux actionnaires de mes entreprises, aux gens proches qui aident à ce que ces entreprises-là marchent, là, tu sais. Puis c'est pour ça que tout le monde est là, puis c'est bien correct, là. Mais pour ce qui est d'un show, de faire ses affaires, tout ça, j'ai comme envie d'appliquer immédiatement les des décisions que je peux prendre, tu sais. Puis avec Rétro Nouveau, veux pas, on est une gang, là. On est quatre, tu sais. Des fois, on est invité, on est plus, tu sais. Puis des fois, on n'est pas tous d'accord sur qu'est-ce qu'on devrait faire. Il y en a qui ont envie de faire ça. Il y en a qui se disent, non, moi, j'ai pas envie. Moi, je voudrais changer ça. Ah non, on le changera pas parce que ça. Tu sais, fait moi j'ai cette dynamique-là, c'est ça que j'ai comme plus envie personnellement pour ce qui est du podcasting. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de comme laisser aller Rétro Nouveau aussi, puis de me reconcentrer sur mon propre podcast ici, là, tu sais. Donc, c'est ça, fait que je suis rendu à l'épisode 131, ça fait un bout de temps que je fais ça, mon podcast tout seul. Bien conscient que ça sera pas pareil à Rétro Nouveau. Mais excusez, c'est parce que j'ai une notification, ça m'a fait décrocher. Mais c'est ça, tu sais, je pense que je veux laisser Rétro Nouveau comme... Rétro Nouveau, ça a été ça, tu sais. Ça existe, c'est tout en ligne encore, vous pouvez aller le voir n'importe quand. Il y a du stock. Et puis, c'est disponible, allez-y, puis tout ça. Puis à partir de maintenant... Ben peut-être que j'ai le goût d'essayer de pousser mon propre projet puis voir où est-ce que ça peut aller, tu sais, en appliquant ce que je veux faire moi, tu sais. Et puis j'ai des idées. Est-ce que j'ai la force de tout le faire? Peut-être que oui. Tu sais, jouer au hockey le soir, je pense que je vais arrêter ça. Je skipper un an peut-être pour gagner du temps. Fait qu'en ayant plus Rétro Nouveau, puis ma plus de hockey qui arrive, ça me donne le temps de repenser à mon podcast de Papa Cassette. Tu sais, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Si je veux continuer là-dedans, mais je pense que oui. Mais là, je veux pas non plus me rusher là-dedans. C'est comme ok, là, on va finir Rétro Nouveau vite. Faut Papa Cassette, tu sais. Je voulais faire un épisode ou deux, tu sais, encore sous cette formule-là, puis à y réfléchir, puis voir qu'est-ce que je peux faire, tu sais. J'avais dit que je voulais le faire en studio ici. Je l'ai fait un peu, mais en même temps, je trouvais que ça me rallongeait, tu sais, au lieu. Je manquais de spontanéité, tu sais. Puis le podcast, je le mets dans un timing le matin, là, comme ça, parce que j'ai le temps. Mais là, tu vois, il est déjà 9h20. Fait que, tu sais, je suis dans un timing aussi. Fait que c'est ça. Mais j'aimerais le voir évoluer. Puis Jeff, il est intéressé à m'aider là-dedans. Puis moi, j'ai envie de voir peut-être comment ça fonctionnerait, tu sais, comme toute la structure que Jeff peut m'apporter. Ça peut m'aider énormément à focaliser sur comment développer ça, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que j'ai jasé avec JF, puis il serait intéressé à venir sur mon podcast en vrai, là, dans le fond, comme un peu comme un Rétro Nouveau, là, tu sais, m'aider avec la technique et tout. Puis, je veux qu'on l'essaye, je veux qu'on voit comment est-ce qu'on peut co-animer ensemble, tu sais. Puis, j'aimerais avoir des invités. Mais je veux pas qu'on soit tout le temps beaucoup de monde, tu sais. C'est quelque chose qui était dur aussi avec Rétro Nouveau des fois. C'est qu'on n'a jamais d'invité, ouais, mais là, on va être cinq, et puis là, tout le monde a une critique, mais là, on n'aura pas le temps de faire notre critique, pis ci, pis ça. C'est trop de structure, tu sais. C'est trop d'affaires c'est trop compliqué. Si je vais avoir un invité, il y aura un invité, ça sera ça le show. Avec deux, trois affaires autres qu'il y a dans le squelette habituel du show que j'aurais décidé. Puis merci, bonjour, tu sais. Fait que c'est un peu de même que j'ai envie de l'essayer puis de le vivre, là, dans le fond. Fait que c'est ça. En gros, c'est ça qui s'est passé. Et puis, voilà. Il n'y a pas tant de grands secrets derrière ça. Fait que Bruno, il prend ça relax. Vous irez voir la publication sur la page Facebook de Rétro Nouveau. Tous les liens, tous les gars sont là. Bruno, il prend un break de tout ça, puis bien mérité, puis il est en paix, ça lui fait du bien. Fait qu'il va publier ses affaires sur son Instagram et tout. Moi, je continue comme d'habitude, vraiment. Je vais faire mon podcast ici, je vais le faire évoluer. JF va arriver bientôt, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Sinon, je continue mes publications, mes affaires de Papa Cassette, comme d'habitude. Et puis... Fred, il a ouvert un channel Discord qui s'appelle le Hub, H-U-B, où est-ce qu'on avait construit avec le temps, à Rétro Nouveau, une super belle communauté Discord. Fait que là, on essaye d'envoyer tout le monde vers là. Et puis ce Hub-là, il sert un peu justement de hub pour les projets du monde, tu sais, comme JF quand il Twitch. Là, Fred, il est en feu, là, il Twitch là, beaucoup présentement. LG Muzio, tous les liens sont là aussi, vous irez voir. Fait que Fred, il expande, là. il stream, Ils font le hub. Fred, il aime beaucoup Discord aussi, puis c'est une plateforme qu'il utilise professionnellement et personnellement beaucoup. Puis, dont, je veux dire, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Moi, un peu moins parce qu'il y a beaucoup de monde qui parle beaucoup, beaucoup tout le temps. Puis, j'ai comme, j'arrive pas à suivre ça, là, tu sais. Il y a trop de discussions. Mais tout le monde de Rétro Nouveau sont transférés là. Fait que vous pouvez aller voir ça. Tout ça est public, là, tu sais. Donc, vous pouvez retrouver la même communauté là. Et puis, c'est ça. Puis, fait que Fred, il déploie beaucoup de choses présentement. Il est bien actif. Donc, surveillez ça. Le hub, allez sur son site ljmuzio.com. ljmuzio. Où est-ce qu'il y a tous les liens de ses affaires. Et puis, voilà, on va voir qu'est-ce que ça va faire. JF, il va streamer aussi. Fait que quand les gars, ils streament, ça va tout dans ce hub et dans ce database, là, ce lien central. Si je streamais, ça irait là aussi. Chose que je ferais peut-être à un moment donné, mais pas rendu là, 0-0. Fait que c'est ça. Donc, c'est ça qui va se passer. Par rapport à mon podcast, moi, ce que je me pose aussi comme question, c'est que c'est devenu un vlog, tu sais, c'est devenu un show où est-ce que je me livre, où est-ce que je parle de beaucoup de choses personnelles et de business. Et puis, qu'est-ce que ça va faire, tu sais, comme avec JF. JF peut pas m'écouter parler tout seul pendant une heure, là, tu sais. Mais je veux justement d'avoir quelqu'un sur le show pour bouncer une couple d'idées. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça peut donner. Et puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi. J'aimerais, dans la future structure du show, avoir quand même un segment, entre guillemets, business ou je sais pas quoi, où est-ce que je parle de ces choses-là. Parce que je pense que c'est quelque chose que vous appréciez quand même aussi, comme mes épreuves, entre guillemets, mais pas des épreuves, mais les choses que je peux vivre en tant que père, en tant qu'entrepreneur, personnellement, mes stress, tu sais, comme moi, je suis un livre ouvert, tu sais, moi, j'ai pas de problème là, de tout vous dire ça, tu sais, puis je pense que ça, les gens, ils relate à ça, puis ça peut les aider beaucoup. Puis, tout ça est bon, tu sais. Fait que tout ça, je veux essayer de le maintenir, mais dans une nouvelle structure, où est-ce qu'il y aura d'autres choses aussi. Donc, je vais brainstormer, je vais checker avec JF, qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, puis tout ça. On va y arriver, mais je veux rien rusher, là, tu sais. Rétro Nouveau, l'annonce a été faite hier. Puis d'ailleurs, je regarde les... j'ai pas répondu, personne de nous a vraiment répondu à tout ce que vous avez dit en dessous, parce qu'il y a quand même 102, présentement 102 commentaires, 320 réactions que sur Facebook. Donc, il y a beaucoup de choses. On ne peut pas répondre à tout le monde, fait que je pense qu'on veut juste rien répondre. Mais sachez que je les ai tous lus, et puis ça me touche, tu sais, comme, waouh, ça me touche énormément de voir ça. Il y a des choses très personnelles, vraiment, que des gens ont écrit aussi, des choses qu'ils ont vécues. On se rend compte qu'on était là dans le... Souvent, tout le monde vit des choses, tu sais, des épreuves plus difficiles. Puis on a été présents, puis on a pu changer les idées à des gens qui ont souffert un peu. Ça fait que ça me touche vraiment énormément. Comment est-ce qu'on était comme la gang de chums, tu sais, quand les gens écoutaient, puis c'était dynamique, puis c'était le fun pour eux. Fait que c'est vraiment, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écrire sur cette publication-là, puis de nous dire tout ça. Tu sais, c'est dur. En même temps, c'est dur à lire, tu sais. On a tout fait ça pendant très longtemps, et puis quand on est live, il y a du monde, tu sais, puis on rigole, c'est correct, nos Patreons, on les connaît avec le temps, mais là, il y a énormément plus de monde qui soudainement, tu sais, prennent parole, fait que, tu sais, ça donne, ça nous montre un peu l'ampleur de tout ça qu'on voit pas souvent, vraiment, fait que on le voit pas, en fait, les gens qui, tu sais, il y a plein de monde qui écoute, mais on sait pas qui, tu sais, on les voit pas, tu sais, c'est pas comme un vrai show devant public. Si le public était là, on serait comme « Wow, OK, on parle à tout ce monde-là. » Mais on voit pas. Mais là, soudainement, il y a beaucoup de monde qui apparaissent, tu sais, fait que ça me touche vraiment. Fait que merci beaucoup, beaucoup, tout le monde, d'avoir... de nous avoir suivis, puis d'avoir participé à ça, puis d'avoir rigolé avec nous, puis, tu sais, nous autres, on a fait ça de bon cœur. Et puis, c'était vraiment un projet passionnel, encore une fois. Pourquoi faire un projet qui n'a pas de passion derrière, tu sais? Fait que c'était vraiment, c'était une belle run. Je suis très fier de ça, hein, vraiment. 13 ans de podcasting, on en a vu beaucoup des podcasts, là, commencer, puis arrêter, puis commencer, puis des, tu sais. Fait que je suis fier qu'on ait maintenu ça, puis que, tu sais, qu'on ait été solide, là, vraiment. On a tout donné, puis on n'allait pas faire ça jusqu'à la fin de nos jours non plus. Mais la run aurait été belle, vraiment. Fait que j'en suis fier. Je remercie tout le monde, bien sûr, qui a participé au show. Que ce soit les animateurs proches que je côtoyais, ou que ce soit les blogueurs qui ont écrit à une certaine époque, tu sais, parce qu'il y a eu toutes sortes de monde qui ont participé à Rétro Nouveau, tu sais. Fait que je vous remercie tous. C'était un beau délire. C'était quelque chose. Fait que tout ça est triste, et puis prenons le temps de le digérer. Par contre, bien sûr, la vie continue. Et puis avec la fin d'une chose, d'autres choses nice. Donc, comme je dis, Fred est bien actif. JF continue ses affaires. JF, il est hungry. T'sais, comme on dirait que ben, je sens qu'il a envie de produire. T'sais, c'était JF, il se donnait énormément dans Rétro Nouveau, et puis ça le nourrissait. Et puis ça nous nourrissait tous, là, mais t'sais, comme JF, c'était son show, c'était sa production. Il était bien fier de ça. Fait que moi, je veux essayer de donner ça à JF, t'sais, avec Papa Cassette. Fait que c'est ce que je vais essayer de faire vraiment. Fait que je veux pas faire de grandes promesses, mais en même temps, en ayant quelqu'un d'impliqué avec moi, tu sais, ça botte le cul un peu. Puis aussi, je vais peut-être déplacer. J'aimerais le faire live le soir, comme Rétro Nouveau, avec le monde dans le chat, tout. Mais peut-être le jeudi au lieu du mercredi, pour pas être hangover de mon hockey. Ça, c'est une autre affaire des fois avec Rétro Nouveau. C'est comme l'horaire de tout le monde fait que, hey, il faut absolument le faire, là. OK. Fait que ça faisait pas vraiment mon affaire comme horaire non plus. Fait que là, au moins, je vais être maître de ça. Donc, je vais tout annoncer ça, tout ça aura lieu, et puis voilà, ça sera ça. Puis là, je suis épuisé, ça fait une heure de show, je n'ai plus la force de faire la critique de RZ, alors c'est pas grave, donc je le ferai dans mon prochain épisode, et puis peut-être même avec JF, on aura du gameplay, est-ce-t-il? Donc, on verra. Mais bref, j'ai joué au jeu, il est dans ma database, puis il est prêt à se faire parler d'eux. Et puis voilà. Donc, encore une fois, vraiment, j'ai vraiment essayé de faire l'historique propre de Rétro Nouveau, mais j'y arrive pas. Il y a trop de choses, il y a trop de temps, de changements, il y a trop. Mais j'espère avoir réussi à vous baigner dans l'univers comme il faut. Et puis, comme je disais, on pourrait tellement parler encore pendant longtemps. Fait que voilà. On tourne la page là-dessus. C'est triste, mais c'est pour le mieux. Puis merci, merci, merci tout le monde, vraiment. Ça me fait chaud au cœur, hein, absolument. Fait que continuez de nous suivre, allez voir la publication pour avoir tous les liens de tout. Et puis continuez de nous suivre, vraiment. Merci.